Oui, je suis de retour. Et si vous êtes comme moi, vous non plus, vous ne vous êtes pas ennuyé le moins du monde, et je parle de vous. Et pour ce retour de vacances, je vais tenter de rattraper le temps perdu avec la présentation de quelques albums qui sont parus depuis les dernières semaines, donc des presque nouveautés. L'émission est chargée, au lieu de vous insulter en ouverture, je le ferai lors des interventions, ce qui suppose que je pourrai le faire encore bien plus. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque ce dit médecin est de retour, d'un repos plus ou moins mérité, et qu'il a l'impression d'avoir gaspillé bon nombre de mauvais soins et d'insultes. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon said so. Go. Was born when hand on heart, the blood bond was sworn. I curse and

Et en masse, le FU, c'est pas une pièce. Que tu sois super classe ou encore plein d'écrasse. Viens brasser ta tignasse, je fais pas retour de passe-passe. Quand je te dis que le FU, c'est la place. Du 14 au 16 août, au centre-ville de Trois-Rivières, une présentation de Mouvement Jeunesse Culture. Merci à C'est Fou, partenaire officiel. Pour la programmation complète, visitez notre site internet festivalurbain.com ou notre page Facebook. Cet été, passez 3 heures en compagnie de Mathieu Plante et de ses chroniqueurs variés. Vous y retrouverez toutes vos chroniques préférées, comme C'est un fait, Kinky Sexy Time, Ça existe mais ça ne devrait pas, on l'a, Les instructions d'assemblage et bien d'autres. Assemblage requis tous les jeudis de l'été de 15h à 18h après les palmarès C'est fou. Pour connaître les heures de rediffusion, visitez c'estfou.ca. Opinion libre. Nouveau concept à Trois-Rivières. Vélo, café, sandwich. Vente, location et réparation de vélos en tout genre. Dépositaire des marques Gazelle et leurs vélos hollandais, Linus et ses vélos au look vintage. Sans oublier les vélos pliants de chez Turn, ainsi que les vélos fixes Pure Fix Cycle. Opinion libre, c'est aussi un café et une sandwicherie dans une ambiance chaleureuse. Opinion libre, 1000 boulevard Saint-Maurice, Trois-Rivières. Chaque mercredi midi de l'été, Saint-Onis C'est fou pour ton dîner dans une bouteille. Ton dîner dans une bouteille, c'est un florilège des chroniques La bière de la semaine réalisées dans le cadre du Dîner de cons depuis 2011. Alors, si tu ne sais pas encore boire, écoute C'est fou le mercredi midi. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. I'm back, sucker! Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première nouvelle édition de réanimation, le 19 août de l'an des disgrâces 2014, qui annonce cette séquence automnale de ce Undead Incorporated Show après, ma foi, je dirais pratiquement un peu plus d'un mois d'absence. Comme je le disais en ouverture d'émission, non, je ne me suis pas ennuyé, mais pas le moins du monde, et encore moins de vous. Mais le professionnalisme m'oblige à venir vous divertir ce soir. Mais non, c'est une blague, cela me fait grand plaisir, ou presque, ou enfin, si je considère que ça peut être minimalement intéressant. Une émission chargée ce soir, parce que, évidemment, comme je l'ai dit aussi en entrée d'émission, je reprends un peu le temps perdu parce qu'il y a des choses assez certainement intéressantes qui sont parues pendant mon retrait, mon repos de réanimation, qui sont parues au mois de juillet, qui sont parues au mois d'août, bien entendu. Et la dernière séquence de réanimation au mois de juillet ne me permettait pas de faire, j'avais déjà une programmation fort chargée, donc je vais rattraper le temps perdu. Pour la prochaine présentation qui est à venir dans quelques instants, candidement qu'elle date de quand même un peu plus d'un mois parce qu'il s'agit du 11 juillet dernier, mais quand même, on va se faire plaisir en explorant ou réexplorant cette sortie. J'aurai aussi, bien sûr, le nouvel album de Hoverkill qui est paru, lui, tant qu'à lui, le 15 août, et Entombed Hades. Premier album sous ce nom, Entombed Hades, bien sûr, parce que je vous expliquerai un peu plus tard qu'est-ce qu'il y en est, et qui est paru tant qu'à lui le 4 août dernier. Mais le premier album auquel je vais m'adresser, je vais m'adresser à un album, ben oui, ça se tient pas mal debout, ça. Le premier album auquel je m'attarderai, plutôt, voici, je vais reformuler ma sémantique. Il s'agit des Allemands de Gravedigger. Et le nouvel album qui est paru, comme je le disais, le 11 août dernier, soit Return of the Reaper. C'est un album qui, moi, m'a généralement aussi plu que son prédécesseur, son Clash of the Gods, dans un esprit particulier, je dois le dire, parce que Gravedigger font un heavy metal à forte tendance traditionnelle, mais ils ont quand même conservé, jusqu'à un certain niveau, les essences speed metal qu'ils avaient de leur début, soit début des années 80. Et ça donne un style que je trouve quand même intéressant, du fait que j'ai été pendant un bon nombre d'années, passablement désintéressés du heavy metal traditionnel. Aujourd'hui, avec des formations comme Gravedigger, j'ai renoué avec Held, tout à l'heure, dont je ferai la nomenclature de ce bloc d'ouverture. Ça m'a permis de renouer, je dirais, d'une certaine façon, avec ce style que je trouvais un peu désuet. Mais avant de procéder à cette présentation, bien entendu, en ouverture de bloc, nous avons eu, avant cette pause publicitaire, Testament. Une pièce tirée de leur, encore ce qui est leur dernier album, Dark Roots of Hurt, il s'agit de True American Hate, c'est paru en 2012 sur l'étiquette Nuclear Blast. Juste avant, nous avions Anthrax et la reprise de Anthrax par Anthrax de Madhouse, que l'on retrouve sur The Greater of Two Evils, qui, bien sûr, parle des deux premiers chanteurs, que ce soit Neil Turbin et Joey Belladonna, qui maintenant est revenu, bien entendu. C'est paru en 2004 sur Nuclear Blast également. Nous avions Megadeth et la pièce Bite the Hand, que l'on retrouve sur Endgame, la dernière parution de cette formation américaine, Endgame, qui paru en 2013 sur Roadrunner, et qui, pour moi, était, là aussi, je dois dire, une forme de... Je renouais avec un peu, quelque peu avec Megadeth. Je trouvais que cet abonnement était intéressant par rapport à beaucoup de choses qui s'étaient faites qui m'avaient plus ou moins intéressé. Satan avec 2025 que l'on retrouve sur la dernière parution et la deuxième ou troisième, là, faudrait que je vérifie, en 30 ans. Life Sentence qui est paru en 2013 sur Listenable Record, très bon album. D'ailleurs, comme je le disais, Satan fait partie des formations qui m'ont stimulé aussi, autant que Hell, à me réintéresser à ce genre heavy metal. Et nous avons ouvert ce bloc avec, effectivement, Hell et la pièce de Disposer Supreme, qu'on retrouve sur la deuxième parution de cette formation britannique Cursed in Chapter, qui est parue en 2013 sur Nuclear Blast. Et eux aussi, Hell, l'ont probablement vécu au long de leur carrière, parce que c'était une forme de phénix, c'était une résurrection de cette formation qui avait été mise au rencard dans des oubliettes. Et puis, c'est tant mieux parce que c'était quand même en fait, j'imagine, et j'ose le croire pour plusieurs, une belle révélation, cette formation heavy metal, qui donne dans un métal très théâtral, le chanteur y est pour beaucoup, évidemment, parce qu'il a une voix très, je dirais, colorée, mais aussi parce qu'il l'est, scéniquement parlant, très théâtral aussi. Alors qui dans des spectacles sont aussi assez visuels. Généralement, d'après, je les ai pas vus, mais d'après ce que j'ai pu voir par certaines séquences vidéo. D'ailleurs, parlant de vidéo, Anthrax, le 16 septembre prochain, sort un DVD qui porte le titre de Chill on Hell et qui comportera 18 pièces. Donc, ça risque d'être intéressant pour les amateurs. C'est le 16 septembre prochain. J'aurai aussi à travers ça, si je suis capable de débroussailler le tout, là, des chroniques musicales, quelques-unes, et des chroniques cinéma. Bon, on s'entend que depuis le début de la pause de réanimation, j'en ai vu passablement de trucs là, au niveau cinéma, séries télévisées. J'ai écouté aussi quelques trucs musicaux. Pas nécessairement dans le métal uniquement, mais j'ai vu beaucoup de choses qui étaient pas très bonnes. J'ai entendu des choses qui m'ont plus ou moins plu, donc je n'ai pas tout mis sur le site de réanimation, qui est réanimationad.com en passant, parce que il aurait fallu que je me tape 10 à 20 chroniques supplémentaires, ce qui me tentait pas du tout. Donc j'ai mis quand même l'essentiel de ce que j'ai aimé et l'essentiel de ce que je n'ai pas aimé. Donc c'est une belle synthèse, si on peut dire ainsi. J'ai cru croiser tout à l'heure mon colocataire de fortune et par obligation qui est Gustave, et puis je l'ai en coup de vent, c'est un fantôme, c'est un jeu de mots, mais probablement qu'on va le voir tout à l'heure, j'imagine qu'il est dans les parages, donc c'est à suivre pour Gustave. Gravedigger, c'est le 16e album en 34 ans de carrière, c'est appréciable. Ça donne généralement une moyenne d'un album à peu près tous les deux ans. Et puis, c'est toujours Chris Bolton-Tall qui est le vocaliste de cette formation. Donc, on s'entend que c'est probablement un des seuls piliers demeurant original de la formation Gravedigger, mais c'est quand même très significatif. Et puis, je trouve que cet album-là, Return of the Reaper, auquel j'ai donné un 7.5 sur 10, que je trouve tout à fait appréciable comme note, et bien produit. Je dirais que l'album, généralement, est assez égal, Il y a quelques trucs qui m'achalent un peu, peut-être un petit peu plus balade sur les bords, mais généralement, je vous dirais que c'est un album qui est fort appréciable. Je vous propose à l'instant d'écouter trois pièces qui sont respectivement Hell Funeral, War God et Tattooed Rider que l'on retrouve sur Return of the Reaper. Vous êtes à l'animation des Undead Incorporated Show et ce, jusqu'à ce que ça me tente. Go! Fire and screams. Darkness is rising and killing your dreams. Grave Dagger. Trois pièces tirées du dernier album Return of the Ripper qui est paru le 11 juillet dernier sur Napalm Records. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est un album auquel j'ai attribué sans retenue un 7.5 sur 10. Je trouve que c'est fort correct. On vient d'entendre Tattooed Rider, qui est c'est ma préférée de l'album, à tendance un petit peu plus, je dirais, hard rock, si on veut. Juste avant, nous avions War God, qui est une bonne pièce aussi, et Hell Funeral, qui sont respectivement les deuxième, troisième et quatrième pièces de cet album. Je vais faire une petite incursion au niveau des trucs cinématographiques, parce qu'il y en a, comme je disais tout à l'heure, pas mal de choses. En fait, à surveiller, je crois très fortement, ce vendredi, la sortie de Sin City Part 2, qui porte le titre de A Damn to Kill For, dans lequel on va retrouver sensiblement la même distribution que dans le premier, c'est-à-dire... pour le dire, j'ai un blanc de mémoire. Je vais aller voir tout simplement sur le site officiel, ça va être beaucoup plus simple. C'est toujours ça, l'histoire du loading. Je trouve ça complètement stupide de ma part d'avoir tout ça sous le bout de la langue et pas capable de le dire. Incroyable. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Bref, ça risque d'être fort intéressant. Les previews sont très, très bonnes. Un autre film qui paraîtra le 29 août s'appelle Jezebel. C'est un film d'horreur. Je peux pas vous en dire grand-chose. C'est assez nébuleux. Le 19, c'est The Maze Runner. C'est un film de science-fiction qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui se réveille avec un autre groupe de jeunes hommes dans un labyrinthe dont la configuration change à chaque nuit. Donc, puis il n'y a plus aucun souvenir de l'extérieur. Donc, ça risque d'être quand même assez intéressant, c'est original comme scénario. Film d'action, mettons la vedette Denzel Washington, qui semble avoir une bonne cut, là, en fait, dans ce qui est les prospections. Ça s'appelle The Equalizer. C'est le 26 septembre prochain. Bon, une aberration, là, faut que je vous le dise, je vous prédis un film qui va être probablement catastrophique. Annabelle. C'est The Conjuring 2. Annabelle, c'est la fameuse poupée qui était la source de ce mal incarné qu'on a retrouvé dans l'excellent Conjuring qui est paru, je crois que c'est en 2012, si je ne m'abuse. C'est vraiment un excellent film d'horreur. C'était d'ailleurs un des meilleurs films d'horreur que j'avais vu depuis bien longtemps. Bon, évidemment, fallait s'attaquer à ce qui avait été un succès, en faire une franchise, aller chercher le titre. Bon, on savait pas quoi prendre. Conjuring 2, c'était peut-être un peu le principe de Paranormal Activity, dont ils sont rendus, je pense, à 14. On décide de prendre le nom de la poupée. Je suis très, très sceptique, honnêtement. Un autre film d'horreur qui paraîtra le 24 octobre, c'est Ouija. Issu, tu sais, tout simplement du jeu de Parker Brothers, Ouija, qui permet, semble-t-il, de communiquer avec l'au-delà. Donc, c'est peut-être à suivre. Dans les trucs que j'ai vus, et que je vais soit vous conseiller de voir ou de tout simplement éviter. Le premier porte... En fait, il est connu sur deux titres. Le principal étant de Gallows Hill, si vous voulez. Mais il est sorti à certains endroits sous le nom de The Dam. C'est un film d'horreur, de démoniaque, si vous voulez, qui est de Victor Garcia. Ce qu'il faut savoir avec Victor Garcia, c'est que c'est un cinéaste de série B. Et généralement, de série B un peu bizarre. C'est à lui qu'on doit le dernier chapitre des Hellraiser, Hellraiser Revelation, qui était paru en 2011, qui avait été vraiment mauvais, tellement mauvais, que j'avais quand même certaines retenues et réticences à regarder Gallows Hill, mais finalement, c'est un film qui a pris énormément de temps à arriver jusqu'ici, donc je me suis dit, je vais l'écouter. Ben, c'est pas si mauvais. Gallows Hill raconte l'histoire de jeunes qui sont en voyage, et puis suite à un accident d'auto, prendre refuge dans une auberge qui est fermée, mais qui est tout de même habitée par l'ancien tenancier qui est un vieillard, mais qui a des comportements très étranges, voire très mystérieux. Et ils finissent par découvrir que dans le sous-sol, dans une espèce de de prison, si on veut, qui est complètement cloîtrée. Une petite fille l'habite, a été comme emprisonnée là. Donc, il trouve ça épouvantable. Puis, il considère que c'est la faute de ce vieillard-là, puis que c'est vraiment un crime. Donc, accidentellement, il tue le vieillard. Et pour libérer la petite fille qui s'avère être un démon, finalement, qui avait été enfermée là volontairement, bien sûr, pour protéger l'humanité de sa méchanceté. Et c'est correct, c'est maladroit par moment. Je dirais que principalement, le point négatif de ce film-là sont les acteurs, qui moi, personnellement, ne me revenaient pas beaucoup. Mais le fond de l'histoire est assez bien. Donc, j'ai donné un 6 sur 10. C'est pas totalement mauvais, mais c'est pas totalement bon non plus. C'est disponible en DVD en Blu-ray, donc The Dam ou Gallows Hill selon le ben j'imagine selon comment je pourrais dire, selon l'édition qui est parue, selon le pays où il est sorti aussi. Autre chose que j'ai trouvé, ma foi, divertissant, je dois le dire. Et j'avoue aussi honnêtement que malgré le fait que j'ai toujours trouvé qu'Arnold Schwarzenegger était un acteur de bas étage, quoi, je l'avais trouvé quand même efficace dans Terminator, parce que bon, ses lignes de texte étaient très courtes, donc c'était parfait comme ça. Puis c'était le physique qu'on voulait, simplement la stature. Je dois dire que depuis que le Governator n'est plus Governator et qu'il est retourné au grand écran, il fait des choses meilleures que ce qu'il faisait avant. Le film dont je vous parle, c'est Sabotage. C'est un film d'action, trailer, qui met en vedette, comme j'ai dit, Schwarzenegger, Sam Worthington et Terrence Howard. C'est un film de David Ayer. Ça raconte l'histoire d'une troupe d'élite spéciale de la DEA qui doit aller démanteler un cartel. Et que finalement, ils tombent sur une énorme... Ben, ils démantèlent le cartel, en fait, et ils font tout péter. Mais il trouve une énorme quantité, une grande somme d'argent et il décide de, bon, ben, écoute, on pourrait peut-être préparer notre retraite. Donc, ça devient un vol. Et ils sont poursuivis, mais ils sont assez intelligents pour avoir comme décidé de mettre ça à l'abri, de ne pas y toucher, de laisser la poussière retomber. Mais comme dans tout cambriolage où il y a une bande de plus de deux personnes associées, ben, il y a dissension, il y a suspicion, il y a paranoïa, et ainsi de suite. Donc, ça dégénère. C'est un film qui est divertissant. Honnêtement, j'ai trouvé ça divertissant. C'est quand même, il y a beaucoup d'action violente, même par moment. J'ai donné un 7 sur 10. Je garantis pas que c'est un film que je voudrais revoir là des 3, 4, 5 fois, là, mais ça procure du bon temps. Sabotage. Là, on va y aller avec un navet complètement pourri. Il s'appelle Into the Dark, qui porte aussi le titre de I Will Follow You. C'est un film de 2012, puis c'est devenu disponible depuis peu. C'est un film d'horreur, et là, je dois peser mes mots, c'est un film d'horreur, mais c'est aussi un drame sentimental. Et ça, je m'en suis rendu compte en l'écoutant. Donc, de là, je devrais dire que le terme horreur, comme je l'ai dit dans ma chronique sur le site de réanimation, c'est une abomination qu'on ait mis le qualificatif horreur, parce que c'est un film qui n'a aucun rapport. C'est un film d'amour sentimental, mais qui est dramatique. C'est vraiment pourri. C'est l'histoire de Sophia qui quelqu'un qui est renfermé sur elle-même depuis la mort de ses parents. Puis il rencontre un type qui s'appelle Adam. Puis il tombe amoureux, ainsi de suite, mais il disparaît subitement. Et puis elle comprend pas pourquoi. Puis elle va s'évertuer, essayer de le retrouver. Mais c'est d'une platitude. Platitude. C'est pourri, pourri, pourri. J'ai donné un gros 0 sur 10. Évitez ça à tout prix. C'est une perte de temps. Autre film peu intéressant, qui est un film de science-fiction, qui est un film de Neil Burger, c'est Divergente, si vous préférez, qui met en vedette des gens que je ne connaissais pas vraiment, Shailene Woodley, Theo James et Kate Winslet, qu'on connaît, mais qui n'a pas quand même le rôle principal. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en différents clans, qui portent des noms tels les audacieux, les érudits, les altruistes, les sincères et les fraternels. À 16 ans, chacun doit passer un test pour déterminer dans quel clan il sera, il fera partie et il évoluera le reste de sa vie. Et il y a un titre qu'on ne doit pas avoir, c'est Divergent. Et l'histoire de cette fille-là, qui est selon les tests, classée comme étant divergente, et puis qui est profondément, sont détestées par la société, sont même persécutées. Ben, pour être capable d'avoir une vie minimalement normale, elle va décider de s'associer au groupe qui sont les audacieux, qui sont un peu la milice, la police, les militaires. C'est emmerdant. Parce que encore là, il y a une histoire d'amour qui se développe entre deux. Et puis ça vient faire un peu comme ce qui est The Hunger Games, le deuxième volet a fait. C'est un film pour adolescents, pour fillettes. J'ai donné un 3 sur 10. Pourquoi j'ai pas donné un 0? C'est que le fond de l'histoire était quand même pas si mal. Et puis, je dirais que graphiquement, ça se tient énormément. Ils ont mis beaucoup d'efforts sur la présentation graphique. Puis ça, faut quand même le reconnaître. Mais à part de ça, c'est la seule chose. Perdez pas votre temps avec Divergence. C'est vraiment pas très bon. Je vais en garder quelques-uns pour tout à l'heure, parce qu'on va retourner en musique cette fois-ci avec la deuxième présentation de la soirée. Et puis, cette fois-ci, faut pas j'oublie de vous dire, chose importante, le 16 septembre, nouvel album pour Cannibal Corpse. Le 26 août, nouvel album pour Decapitated. D'ailleurs, ça tombe le mardi et le mardi prochain, donc je vais le présenter. Et en octobre, il semblait pas avoir de date arrêtée ou fixée, ce nouvel album pour Exodus. Rendu à la présentation numéro 2 de ce soir, qui est Overkill, cette formation américaine qui donne dans un trash metal et qui existe depuis bon nombre d'années. L'album porte le titre de White Devil Harmony. C'est disponible en CD et en LP, vinyle si vous préférez, sur l'étiquette Nuclear Blast. Moi, j'ai donné un 7 sur 10 à Overkill. Je suis pas un fan invétéré d'Overkill pour la raison que je vais vous expliquer. J'ai eu beaucoup de misère après quelques pièces avec le vocal de Bobby Ellsworth. Son vocal est particulier et ce n'est pas un timbre de voix qui est très agréable à mes oreilles. Musicalement, je trouve ça très correct, par contre. Donc, mais j'ai fait abstraction de ça pour être le plus, objectif dans ma critique, le terme est fort, disons chronique. Et puis, je me suis dit, ouais, finalement, c'est quand même bien musicalement. Cet album-là se tient, c'est quand même correct. Le vocal de Bobby, ben, moi, il me tape ses nerfs, mais je suis certain qu'il y a plein de gens qui l'aiment. Donc, j'ai arrivé à une conclusion que je lui donnais un 7 sur 10. Ça aussi, c'est encore une note très acceptable. Donc, j'ai retenu trois pièces, dont celle que moi, je considère étant la meilleure qui porte le titre de Pig. Donc, on va entendre respectivement Harmonist, Down to the Bone et Pig, qui sont les 2, 3 et 4e pièces de cet album, qui est paru le 15 août dernier. Donc, Overkill, go! Bowser sue à grandes gouttes. Il te lèche la face, mais toi, t'es pas mieux. Il fait chaud, puis tu t'ennuies. Eh bien, bonne nouvelle. Les happenings d'improvisation sont de retour cet été. Les dimanches 20 et 27 juillet, ainsi que les 3, 10, 17 et 31 août, c'est sur la terrasse du Zenob que ça se passe. Les parties d'impro débutent à 20 h, parce que l'été, on se fait pas suer. Vous allez voir, c'est aussi rafraîchissant qu'une sludge puppy. L'événement n'est pas commandité par Slush Puppy. Slush Puppy, la slush qui est plus le fun à dire qu'à boire. Chaque semaine, Album Classique vous propose de découvrir ou redécouvrir un joyau de l'histoire de la musique. Des géants du rock aux groupes pop plus obscurs en passant par les albums oubliés, Album Classique se donne la mission de vous les présenter dans leur intégralité, telle que souhaitée par les artistes. Album Classique, les vendredis matins, 10h, sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. N'oublie pas non plus nos pointes à 2,30 $ de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 $ plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Le 16 août, c'est une journée d'activité complète sur la rue Badeau dès 10h. Et pour clore cette 10e édition du Festival Urbain, en soirée, venez triper avec nous et Create Our Soldier. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! h17 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou. Et ce, jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire, 3 pièces tirées du nouvel album d'Overkill qui porte le titre de White Devil Harmony, qui est paru le 15 août dernier sous l'étiquette Nuclear Blast. On a entendu Pig, Down to the Bone et Harmonist. Comme je l'ai dit, c'est un album auquel j'ai donné un 7 sur 10. Musicalement, je trouve ça très correct. Par contre, le vocal de Bobby Ellsworth, il commence à me tomber ses nerfs. Donc, j'aurais pas écouté une quatrième pièce. Voilà, ça veut à peu près tout dire. Côté spectacle, BCI propose le vendredi 5 septembre prochain à 19h au Fofouines Électriques, Arsis, Allegahan et Ex Mortus. C'est à 19h, il en coûtera 15 $ et 20 $ taxes incluses pour y assister. Belphegor, Voices from the Dark 2014. Belphegor, Rotting Christ, Beheaded et Svart Crown. C'est au Club Soda le jeudi 25 septembre prochain à 19h. C'est au coût de 20 $, 21 $ 74 et 26,9 $ plus taxes. C'était la billetterie du Club Soda. En parlant de nouvel album de Belphegor, j'en ai pas vraiment parlé, j'en parlerai probablement pas parce que je suis plus capable d'écouter ça. Non, je suis vraiment plus capable. Pour les amateurs dont je suis, eh bien, c'est le retour de Dayside en compagnie de Septic Flesh, Inquisition, Abysmal Down, que je n'ai jamais vu, et Karak Angren. C'est le vendredi 10 octobre à 19h au Théâtre Corona. Il en coûtera 25 $ et 30 $ d'accès incluse pour y assister. C'est disponible à la billetterie du Théâtre Corona. Leviathy en compagnie de Tyr et Metzatol, vais-je le dire. Samedi le 18 octobre prochain à 20h. C'est au Théâtre Corona également, au coût de 25 $ et 30 $ taxes incluses, billetterie du Théâtre Corona. Arch Enemy, en compagnie de Creator, Huntress et Starkill, seront le 27 octobre, qui est un lundi à 19h, au Metropolis, au coût de 30 $ et 43, 34 $ 78 plus taxes via Ticketmaster. Il y a des billets VIP ou sans vente. Et vous pourrez voir Cataclysm, Suffocation, Jungle Rot, Pyrexia, Internal Bleeding, lundi le 3 novembre prochain à 18h au Fofounes Électriques au coût de 22 $ et 27 $ taxes incluses. Sont des présentations BCI Brave Concert. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéresseraient, eh bien, le lundi 6 octobre au Centre Bell, c'est Judas Priest. Ça, c'est sûr que je n'y serai pas. Voilà. Continuons cette petite chronique cinéma avant l'autre présentation. J'en étais rendu à un film qui piquait énormément ma curiosité et qui est un film de Walt Disney qui porte le nom de Maleficent. Si vous préférez en français, Maléfique. Et qui met en vedette Angelina Jolie, Elle Fanning et Sharlto Copley. C'est un film de Robert Stromberg. C'est la version revisitée, pour ainsi dire, de Sleeping Beauty, ou si vous préférez, La Belle au bois dormant, un autre grand classique de Disney de 1956, si je ne m'abuse, qui était un dessin animé, bien entendu. Et cette fois-ci, c'est une version qui donne l'accent, bien entendu, à Maleficent. Maleficent, c'est celle qui joue le rôle de la méchante, mais qui, dans les faits, n'en était pas une. Qui est interprété, je dois dire, admirablement par Angelina Jolie, auquel on a donné un, je ne sais pas si c'est par image de synthèse, si c'est par maquillage plus standard, mais une allure qui est assez, je dirais, par moment, un peu surréaliste. Et puis, je trouve que ça fait très bien dans le film. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film fantastique, mais c'est aussi un film familial. Ce que je ne savais pas vraiment au départ, je croyais que c'était pour être beaucoup plus evil que ça, mais ce n'est pas le cas. Mais quand même, j'ai trouvé que c'était divertissant. Et dans l'histoire, eh bien, on comprend pourquoi Maleficent, qui était une créature tout à fait aimable et en communion avec la nature, qui vivait dans un beau royaume qui était rempli de toutes sortes de justement d'animaux et de créatures étranges qui vivaient en harmonie entre eux, devient aussi méchante, aussi cruelle envers l'humanité, qui principalement envers celui qui l'a trahi, qui deviendra roi plus tôt et qui lui a fait une sale chiennerie, on doit en dire ainsi. Donc, en fait, Stromberg, qui est le directeur de ce film, a donné quand même, je dirais, une profondeur et puis a été assez large dans le personnage développé par que Angelina Jolie a développé aussi, je dois dire. Donc, ça donne un aspect qui est quand même intéressant et je dois dire que c'est très bien fait. Le film est excessivement bien fait, donc pour cela, il devient divertissant seulement par l'aspect graphique de la chose. C'est très correct, mais attendez-vous pas à avoir un film d'horreur parce que c'est pas le cas. J'ai donné un 7 sur 10. Je trouve que c'est vraiment correct. Est-ce qu'il va me donner le goût de le revoir? J'en doute fort, mais quand même, j'ai passé un certain bon moment à écouter ce film-là. Un film que j'ai quand même trouvé fort correct, et celui-là, j'avais pas vraiment d'attente parce que le premier chapitre, je l'avais plus ou moins aimé, c'est The Amazing Spider-Man 2. Qui est un film de science-fiction d'action, bien sûr, dérivé des créations de Marvel, qui met en vedette Andrew Garfield et Emma Stone, Jamie Foxx aussi, qui joue le rôle du méchant. Andrew Garfield, moi, c'est le point très négatif que j'apporte à cette franchise-là de Spider-Man. Je déteste profondément cet acteur-là. Je trouve qu'il a l'air d'un grand navet, d'un innocent, et c'est vraiment ce qui a fait que le premier Spider-Man, que je trouvais graphiquement parlant beaucoup trop synthétisé, m'avait déplu. J'ai dit, bon, laissons une chance à la deuxième partie. J'ai trouvé ça tout à fait correct, honnêtement. Faut que je fasse abstraction d'Andrew Garfield, qui joue le rôle de Peter Parker, parce que quand il est pas dans son costume de Spider-Man, il me tombe sous les nerfs tout autant, sinon plus. Mais quand il n'est pas en Peter Parker civil, ça fait le travail, c'est fort correct et je trouve qu'il est un peu Spider-Man cabotin sur les bords, ça l'a amené un petit aspect intéressant, le personnage original l'est, mais pas autant que ça. C'est beaucoup moins synthétique comme présentation graphique, ça m'a un peu plus plu, c'est moins dérangeant, c'est moins agressant pour l'œil. C'est pas un film qui va passer à l'histoire selon moi, parce que je crois sincèrement que la franchise de Spider-Man de Sam Raimi est de loin supérieure. Quoique certains ne sont pas d'accord, ben en fait s'accordent pour dire que ce n'est pas très fidèle au roman, à la bande dessinée originale. Effectivement, il y a des divergences, des choses comme ça, mais je trouve que la présentation de Sam Raimi était beaucoup plus intéressante. Mais quoi qu'il en soit, je lui ai donné un 7.5 sur 10 pour ce Amazing Spider-Man 2. J'ai trouvé ça fort correct. J'ai trouvé ça très divertissant et de loin supérieur au premier. Et j'en parlais avec le Rockmaster et lui n'était pas du tout d'accord. Il n'avait pas aimé le deuxième alors qu'il avait aimé le premier. Mais ça, c'est normal parce que sinon, je ne pourrais co-animer avec lui si j'étais constamment d'accord. Autre chose, Oculus, qui est un film d'horreur thriller, qui est un film de Mike Flanagan. J'avais quand même pas mal d'attentes pour ça parce qu'on disait que c'était le film qui était le plus épeurant depuis la sortie je suis bourré de blanc de mémoire ce soir, de Conjuring. Foutaise. Écoutez, j'ai donné un 3.5 à ce film-là. Je peux pas dire qu'il est totalement navet parce que l'idée est quand même intéressante, mais il se passe rien. Il se passe rien, puis il n'y a absolument rien d'épeurant là-dedans. Tout se passe à travers un miroir. La jeune fille est convaincue que son frère qui a été interné pour meurtre a été possédé par un esprit qui habite un miroir, qui est très ancien, qui les anciens prédécesseurs de ce miroir-là sont morts aussi dans des circonstances très nébuleuses, voire horrifiantes. Il se passe absolument rien. Oculus, il se passe rien, rien, rien, rien, rien. Puis toutes les fois qu'on a espoir qu'il arrive quelque chose, ben patate, il se passe rien. L'idée est bonne, mais c'est tout. 3.5 sur 10. Autre film que j'ai trouvé quand même bien, mais malgré le fait que j'étais vraiment pas certain, c'est Nothing Left to Fear, qui est un film de 2013, qui est un film d'horreur de possession de Anthony Leonardi III. Qui met en vedette Clancy Brown. Clancy Brown, il faut le si vous ne le replacez pas là, et si vous avez connu dans le temps le film Highlander avec Christopher Lambert, eh bien c'était le Kurgan. Il a pratiquement toujours joué des rôles de méchants et il fait encore un excellent méchant là-dedans, je dois le dire. C'est l'histoire d'une famille de pasteurs qui quittent leur état où ils sont, ils ont leur vue depuis bonnes années pour aller à l'autre bout du pays, aux États-Unis, pour s'intégrer à une communauté dont ils feront office de... Le pasteur fera office de ce nouveau pasteur de cette communauté-là. Mais là, il y a toute une espèce de secte satanique qui est en dessous de tout ça et puis qui ont décidé que cette famille-là devait être les sacrifiés pour pouvoir bloquer la porte parce que leur ville est la porte donnant l'accès au mal vers notre plan de terrain. Donc, c'est correct. En fait, c'est fort correct par moment, mais il y a un petit peu de maladresse dans tout ça. La présentation, des fois, des acteurs laisse un petit peu à désirer. Mais, je dois dire que j'ai trouvé ça quand même bien, malgré le fait que, ben, en fait, surtout du fait qu'il y a énormément de films d'horreur qui se font, puis ce sont principalement tous des navets. Celui-là s'est démarqué du lot et je dois le donner un 7 sur 10. C'est intéressant. J'ai l'écouté en version originale, puis probablement qu'en version française, il doit être poche. Nothing Left to Fear. Autre chose que j'ai trouvé pas mal misérable, c'est Ironclad 2, Battle for Blood. Ça se veut la suite de Ironclad, le premier Ironclad qui était paru en 2011, que j'avais trouvé fort intéressant et fort correct, qui est un film médiéval extrêmement violent et qui mettait en vedette Paul Giamatti, qui faisait le roi Jem, un roi cruel et despotique comme ça se peut pas. C'était vraiment bien. C'était rempli d'action, c'était très bien reconstitué. Bon, ben, il a fallu que quelqu'un décide que, à chaque fois, c'est vrai, il y a eu un titre qui est intéressant, ben, un peu comme on a fait, on va le faire avec The Conjuring, on va reprendre ça pour en faire une franchise, peut-être, et puis de jouer avec le titre. Il y a quelques combats intéressants, parce que j'aime l'aspect médiéval du truc, quelques scènes pas mal, mais c'est long. Et puis ça mène à pas grand-chose. L'acteur principal qui porte le nom de Danny Webb, qui joue le rôle du fameux Templier, est nul à chier. Donc, la reconstitution graphique, c'est quand même pas si mal. Ça vaut un 3 sur 10, mais c'est tout. Je garde la suite pour tout à l'heure, parce qu'on a encore pas mal de stock. Musicalement, on va y aller cette fois-ci avec Entomb Haiti. Entomb Haiti, c'est bien sûr Entomb d'une certaine façon, mais comment il s'appelle déjà? Alex Alid, voilà, qui est le guitariste et membre fondateur du band. Il y a une espèce de discordance entre lui et LJ Petrov, qui est le vocal depuis bon nombre d'années. Alid ne voulait pas sortir cet album-là, alors que Petrov le voulait, le reste du band le voulait aussi. Donc, ils ont dit, ben, c'est correct, fais-le pas avec nous autres, enregistre pas avec nous autres, on va le faire, mais comme il y a un copyright sur le nom de Hentoum pour Alex Hillid, eh bien, on va sortir sur le nom de Hentoum Heidi, qui est fort probablement pour After Death. Donc, l'album se porte le titre de Back to the Front. En fait, moi, ça faisait tellement longtemps que j'attendais cet album-là, puisque le dernier datait de 2007, soit Serpent Sand, The Ten Amendment, qui était, j'avais trouvé très bon. Je me suis dit, ça va être super bon. C'est bon, mais c'est pas super bon. C'est correct, mais il est beaucoup moins puissant que son prédécesseur. Il est moins, je dirais, gras. On a l'impression par moment que l'album, malgré le fait que ça a pris énormément de temps avant qu'il sorte, on a l'impression qu'il a été fait un petit peu à la sauvette. On a incorporé quelques éléments peut-être un petit peu plus symphoniques par moment, un petit peu plus dramatiques. Ça donne un aspect, je dirais, fort correct. Peut-être qu'à ce compte-là, ils auraient dû en mettre un peu plus. Parce que par moment, on retrouve du Entombe, mais du Entombe comme fatigué. Peu importe, je vais vous laisser vous en faire une opinion. J'ai donné quand même un 7.5 sur 10. Il est disponible aussi en CD, bien entendu, mais en vinyle aussi. On va entendre trois pièces qui sont les trois premières. Kill to Live, Bedlam Attack et Pandemic Rage. Selon moi, Pandemic Rage, que j'ai présenté lors de la dernière édition de Rock Classic, est encore ma meilleure. C'est probablement celle que je considère étant la meilleure. Donc, mais je vous laisse vous en faire une opinion. Entombe Heidi. Que faites-vous les mercredis 13h? Voulez-vous qu'on en jazz? Installez-vous et préparez-vous à écouter la meilleure musique jazz. De Diana Krall à Ella Fitzgerald et les nouvelles sensations comme Emily Claire Barlow, vous apprendrez à aimer le jazz ou à continuer d'aimer ce style musical indémodable. Voulez-vous qu'on en jazz? Tous les mercredis 13h sur les ondes de C'est fou. T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier, un choix de cidre de pomme, de panier cadeau, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Progression onirique, émission musicale de métal progressif et de power metal tous les lundis soirs à 20h. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. h 47, et cette édition du Handel Incorporated Show réanimation tire à sa fin. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire trois pièces extraites du nouvel album de Hentoum. Ben, en fait, du premier album de Hentoum Heidi, soit Back to the Front, qui est paru le 4 août dernier sur Century Media. Entendu Pandemic Rage. Selon moi, c'est une des meilleures pièces de l'album, puis en fait, elle est vraiment bonne. Bedlam Attack et en ouverture Kill to Live, qui est aussi la pièce d'ouverture de cet album, auquel j'ai attribué un 7.5 sur 10, qui est tout à fait honorable aussi. La semaine prochaine, je vous présenterai le nouvel album de Decapitated. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous le présenter parce que j'attends cet album depuis quand même un bon nombre de temps. Blood Mantra qui est le titre de ce nouvel album qui paraît mardi prochain le 26, et je vous présenterai aussi le nouvel album de Accept, cette formation qui existe probablement depuis tout aussi longtemps, sinon plus, que Gravedigger, quand j'en parlais tout à l'heure, une formation allemande bien sûr, et l'album Blind Rage qui est disponible en CD et vinyle aussi, qui selon moi n'est pas le meilleur. Mais bon, ça vaut la peine de l'explorer aussi. Le retour de Rock Classic, c'est le 5 septembre prochain, vendredi le 5 septembre. Évidemment, le Rockmaster, moi, nous serons de retour à Rock Classic. Il y aura des présentations comme le nouvel album de Hayes Frehley, entre autres, et celui de Hopeth. Celui de Hopeth, j'ai fait une petite chronique sur le site de réanimation. Vous pouvez aller la lire. C'est simple, animationad.com. Ici aussi, le AD to come into me signifie after death. J'en parlerai la semaine prochaine. J'ai entendu certains trucs et puis je me réserve les commentaires pour la semaine prochaine, puisque en fait, il paraît aussi le 26 août. Je vous rappelle que la sortie ce vendredi, si vous avez rien à faire, mais même si vous avez quelque chose à faire ce vendredi, allez voir Sin City, A Damn to Kill. C'est en salle le 22, ce vendredi. C'est Zack Snyder. C'est lui qui a fait le premier 300, qui était vraiment sublime et qui l'est encore. Et le premier Sin City était vraiment, vraiment bon. Donc, je présume que celui-ci aussi le sera. Bruce Willis y sera, bien entendu. Et il joue encore Hannigan. Il y aura aussi Marv, interprété par nul autre que ce Mickey Rourke, qui est vraiment un personnage extraordinaire dans Sin City. Jessica Alba est toujours là aussi. Bref, on va retrouver des personnages qu'on avait vus dans le premier. Et puis, selon les previews, ça risque d'être vraiment bon. Donc, moi, je souhaite de tout cœur le voir le plus rapidement possible. Et je vous le souhaite aussi de le voir parce que vous allez passer certainement un très bon moment de cinéma. Il me reste à peine le temps de vous... Ben, en fait, je vais prendre le temps de le faire parce que, vous savez, chaque semaine dans les chroniques cinéma, j'ai toujours le film qui je vous conseille de découvrir ou de revoir. Et cette semaine, parce que j'ai d'autres films à vous... J'aurais eu d'autres choses à vous parler, mais j'ai plus ou moins le temps. Dans la chronique « Revoir ou découvrir », c'est un film de 1990 qui est de Martin Scorsese ou Martin Scorsese, selon la prononciation. Et qui met en vedette Robert De Niro, Ray Liotta et Joe Pesci. Robert De Niro, bien sûr, si vous préférez. Il s'agit de Goodfellas. C'est un film de gangster absolument génial. C'est vraiment, vraiment bon. Je l'ai réécouté il y a très peu de temps et j'ai trouvé tout aussi bon qu'il y a, en fait, 24 ans. C'est vraiment, c'est du Scorsese à son meilleur. C'est du De Niro à son meilleur. Joe Pesci est absolument hallucinant dans ce film qui raconte l'ascension de jeunes petits gangsters qui veulent accéder à des niveaux supérieurs et qui font toutes sortes de magouilles, mais à peu près aucun d'entre eux ne pourra accéder à ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas siciliens, mis à part un qui est italien. Mais c'est une déchéance totale parce que des années, soit début des années 70 à l'au début des années 80, bien là, le passage vers les magouilles standards, vers la distribution de cocaïne et ainsi de suite, et puis là, ben, on l'échappe carrément, là. Mais c'est vraiment, vraiment un excellent film de gangster, Goodfellas, de 1990. Je vous le recommande très chaudement. Il me reste à peine le temps pour vous dire que la semaine prochaine, j'y serai. Je vous le répète. Présentation du nouvel album de Decapitated, Blood Mantra, ainsi que de celui de Accept, une autre formation allemande, et l'album s'appelle Blind Range. Je vous le dis tout de suite, Blind Range, j'ai donné 6.5 sur 10. C'est pas... je trouve que c'est mou par moment, honnêtement. C'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait par le passé. C'est pas mauvais, mais c'est peut-être pas à la hauteur. On va se tester avec une dernière pièce, ben peut-être, oui, probablement la dernière pièce, qui est une pièce de Sodom qui est tirée d'un album de 2010 qui porte le titre de In War and Pieces. Il s'agit de Storm Raging Up. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de radio. Il y a un mois, je parlais pas à personne du tout, donc j'avais pratiquement perdu l'usage de la parole. Je vous parlerai la semaine prochaine aussi. Peut-être que c'est peut-être pas aussi métal que si vous êtes purement métal, mais ce dimanche, je vais voir le spectacle d'Alice in Chains pour la deuxième fois en à peu près un an et demi. Et puis, ça risque d'être excellent. Je vous en parlerai, je vous en glisserai un mot, mais j'en parlerai davantage plus au retour de Rock Classique. Donc, Sodom, Storm Raging Up. C'est tiré de In War and Pieces. Vous êtes encore et vous étiez à l'animation des Hand and Incorporated Show. On se voit la semaine prochaine. Sur ce... Ah oui, Gustave, t'étais pas supposé te passer. Gustave, oui, Gustave, tu es là. Tu étais où, Gustave? Chez ta grand-mère. Mais tu passes tout ton temps chez ta grand-mère. Quoi? Tu coupes pas ma parole comme ça, là. Pourquoi es-tu toujours chez ta grand-mère? Parce que c'est la tombe voisine. Ouais, OK, je comprends la proximité, là. Mais est-ce que tu t'es ennuyé des auditeurs, Gustave? Voici sa réponse. Allez tous vous faire foutre. Go! Transforming into the holy shade. I can't. my age, rise and destroy. Flashing to the flesh, stone, nothing does the flesh, stone.